I talked about postures, walking, standing, sitting, and lying down. In my talk, I mentioned three kinds of knowledges: Sutamaya Jnana, study knowledge; Chaitamaya Jnana, thinking knowledge; and Bhavanamaya Jnana, the knowledge with practice, vipassana practice. Je vous ai parlé des postures. Il y a quatre postures: la posture en marche, la posture debout, la posture assise et la posture allongée. Je vous ai également parlé des trois sortes de connaissances: Sutamaya Jnana, la connaissance qui nous vient de l'étude; Chintamaya Jnana, la connaissance qui nous vient de la réflexion, de l'analyse; et Bhavanamaya Jnana, la connaissance qui nous vient de l'expérience que nous acquérons par la pratique de vipassana. Ces trois sortes de connaissances sont cependant nécessaires. Avant d'entamer la pratique de vipassana, il faut en effet savoir ce que veut dire anicca, dukkha et anatta. Il faut comprendre, même si c'est une compréhension intellectuelle, il faut comprendre l'enseignement du Bouddha. Nous serons alors intéressés par vipassana et nous allons nous lancer dans la pratique. La connaissance que l'on acquiert par l'étude et par l'analyse ne sont pas la véritable connaissance. Elles sont cependant nécessaires pour nous amener à pratiquer vipassana. Par vipassana, nous allons développer notre attention et nous allons progressivement expérimenter que tout ce qui entre en nous par le canal de l'un des six sens est anicca, impermanent, dukkha, insatisfaisant, et anatta, insubstantiel. C'est l'enseignement du Bouddha. Les yogis s'efforcent d'être attentifs dans les quatre postures, mais ils ne sont pas attentifs uniquement dans les quatre postures. Ils sont également attentifs dans toutes les activités quotidiennes. Ils essayent d'être toujours conscients de tout ce qui se passe à chaque instant, tout au long de la journée. Si le méditant réussit à emmener son attention avec lui pendant toute la journée, tôt ou tard, il verra que tout change à chaque instant. S'il voit anicca, l'impermanence, automatiquement, il comprend en quoi consiste dukkha, l'insatisfaction. Il sera alors en mesure d'accepter tout cela. Et il aura même peur de devoir reprendre naissance. S'il expérimente anicca, il expérimente donc automatiquement dukkha et il expérimente également anatta, le non-soi. Tout ceci est possible si le méditant pratique de façon diligente. Quand on pratique la marche et qu'on le fait de façon diligente, cela veut dire qu'on ne s'autorise pas à regarder de tous côtés. On essaie d'être attentif à sa pratique. On note de façon assidue le pas gauche puis le pas droit. On a la volonté, la détermination de suivre chaque pas attentivement. Si on note le pas gauche et le pas droit avec diligence, nous pourrons constater dans quelle mesure nous sommes capables de maintenir notre attention sur les pas. Nous verrons très facilement les distractions. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de pensées et qu'elles nous empêchent de maintenir notre esprit sur les pas. Nous pensons que ces pensées sont en réalité des empêchements, mais en fait, nous commençons à comprendre la nature de l'esprit. Le méditant doit donc persévérer et fournir une énergie physique et une énergie mentale puissante. L'énergie physique consiste à poursuivre la marche sans s'arrêter. L'énergie mentale consiste à être attentif à chaque pas. Au début, plus le méditant s'efforce de noter les pas, Mieux il voit les pensées, mieux il comprend qu'il est difficile de maintenir l'esprit sur l'objet. Il comprend la nature de l'esprit. Petit à petit, à force de s'entraîner, il va réussir à franchir une piste sans pensée. La confiance va alors apparaître en lui. Dès le moment où il aura confiance en lui, il ne laissera plus partir l'esprit. Tout simplement parce qu'il a expérimenté qu'il est possible d'expérimenter la paix et le calme au niveau de l'esprit. Lorsque la conscience attentive peut suivre les pas sans interruption, le yogi va se sentir satisfait de sa pratique. C'est comme s'il avait goûté à la saveur de la pratique. Il se dira: je suis dorénavant en mesure de noter tous les pas. Et le bonheur va apparaître en lui, la satisfaction. Par contre, s'il ne réussit pas à maintenir son attention et à suivre tous les pas, si sa conscience attentive est faible, il n'expérimentera rien, il ne sentira rien. Il marche, mais il ne voit rien. Tout simplement parce que les pensées s'emparent constamment de son esprit. Ce méditant-là ne développera pas la confiance. C'est pour cette raison qu'il faut s'efforcer de pratiquer de façon assidue, de fournir une énergie physique et mentale et d'avoir la volonté. Si la conscience attentive est capable de suivre attentivement l'objet, le méditant va commencer à développer la compréhension. Que veut dire compréhension? Le méditant va voir que son pied s'avance. Lorsqu'il observe, par exemple, le pas gauche ou le pas droit, il sent que c'est le pied gauche ou le pied droit qui avance. Il ne voit pas encore ces choses de façon très détaillée. Mais lorsque son attention sera devenue très ferme, il verra tout cela plus à fond. C'est pourquoi le professeur encourage toujours les yogis à être plus attentifs pour qu'ils puissent comprendre clairement et obtenir Sampajana. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut tout simplement essayer de maintenir son attention de moment en moment le plus possible. Au début, le méditant s'efforce d'y arriver. Petit à petit, grâce à son entraînement, il va réussir à maintenir son attention sur l'objet sans interruption. Le méditant va alors sentir tout très spontanément que son pied avance. Il va sentir très spontanément, sans devoir rechercher cela, il va ressentir le contact de son pied avec le sol. Il va ressentir de la douceur, de la dureté. Toutes ces expériences vont se manifester spontanément sans qu'il ait dû les rechercher, tout simplement parce qu'il a réussi à maintenir son attention sans interruption sur le pas gauche et sur le pas droit. Vous essayez donc de développer votre attention en notant du mieux que vous le pouvez le pas gauche et le pas droit. Votre esprit va petit à petit rester fixé sur l'objet. Il s'envole de moins en moins. La confiance, par contre, se développe de plus en plus. Vous êtes dorénavant capable d'une très forte énergie mentale. Vous êtes intéressé par la pratique de la marche, ce qui est le contraire de s'ennuyer pendant la marche. Bien souvent, il arrive que le méditant s'ennuie parce qu'il n'expérimente rien. Il se pose des questions, pourquoi dois-je être attentif au moment de la marche, etc. Mais dès que la confiance sera apparue en vous, vous disposerez d'une forte énergie physique et mentale. Lorsque vous pratiquerez la marche, vous sentirez que votre pied s'avance, vous sentirez le contact avec le sol, vous sentirez de la douceur, de la dureté. Vous expérimenterez la douceur et la dureté en tant que sensation à l'état pur. Mais à ce stade, il n'est pas encore possible d'éliminer le concept. Le concept, c'est penser qu'il y a là un pied qui m'appartient. C'est mon pied, c'est ma tête, c'est ma jambe, c'est moi qui note. Au début, le concept est donc encore présent lorsque vous ressentez la sensation de dureté ou de douceur. Tout simplement parce que nous sommes des êtres ordinaires et que les êtres ordinaires sont persuadés de l'existence réelle de l'atta, de l'ego. Mais par la pratique de Vipassana, il deviendra petit à petit possible d'accepter l'enseignement du Bouddha qui nous dit qu'il n'y a à l'intérieur de nous aucun je, aucun il, aucun elle. Il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Si on ne pratique pas Vipassana, il sera très difficile de comprendre l'enseignement du Bouddha et de l'accepter. Tout dépend de l'attention du yogi. Si son attention est forte, si le yogi est très alerte, très actif, qu'il est brillant, il est possible en effet qu'il y ait des méditants brillants, qu'il y ait des méditants moyens et qu'il y ait des méditants lents. En méditation aussi, les méditants seront parfois des méditants brillants, parfois des méditants moyens, parfois des méditants lents. Un méditant brillant verra très clairement qu'il n'y a à l'intérieur de lui que deux choses, nama et rupa. Lorsqu'il pratique la marche, il voit clairement qu'il y a chaque fois l'esprit qui note et l'objet noté. Il ne voit que ces deux choses, l'esprit qui note et l'objet noté. Lorsqu'il observe le pas gauche, il prend conscience du pas gauche, tel qu'il se manifeste. Lorsqu'il note le pas droit, il prend conscience du pas droit, tel qu'il se manifeste. Le yogi voit qu'à chaque instant, il n'y a jamais que ces deux choses, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Ceci, c'est la compréhension. Mais si son attention est absente ou si son attention est faible, le yogi ne sera pas en mesure de voir cela clairement. C'est pour cette raison que le yogi est toujours encouragé à développer son attention. Vous avez donc réussi à établir votre attention par l'observation attentive du pas gauche et du pas droit. Vous disposez d'une forte énergie physique et mentale, vous avez confiance. Si tout ceci se produit, vous allez tout naturellement ressentir le besoin de voir plus à fond. Quand la confiance est là, le méditant est très soucieux de respecter sa pratique et de ne pas interrompre son attention. À l'interview, le méditant va dire au professeur que pour lui, c'est facile d'observer le pas gauche et le pas droit. Il peut facilement maintenir son attention. Mais il doit expliquer en détail comment il a réussi à noter le pas gauche et le pas droit. Il doit expliquer au professeur ce qu'il a expérimenté au moment où il observait attentivement le pas gauche et le pas droit, pour que le professeur puisse se faire une idée exacte de sa méditation. S'il s'avère que c'est vrai, que ce méditant peut noter facilement le pas gauche et le pas droit, il va alors passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas. Il note, lever, abaisser. Il est très attentif à ces deux mouvements. Lorsqu'il atteint la fin de la piste de marche, il note la station debout comme précédemment et le fait de tourner comme précédemment. Lorsque le méditant est donc passé à la deuxième méthode, qui consiste à faire deux notes à chaque pas, il est très attentif au moment où il lève le pied et où il l'abaisse. Il ne se contente pas d'une observation superficielle. Il observe très attentivement du début à la fin du processus. Il est très désireux de voir plus en profondeur. Un yogi qui a réussi à établir son attention aime pratiquer de façon isolée. Il est très attentif, il se montre très patient, très tolérant. Il observe chaque pas de façon assidue. Tout simplement parce qu'il a déjà eu une certaine expérience au moment où il pratiquait le pas gauche et le pas droit. Il dispose dorénavant de Sampajana, la claire compréhension. Lorsque vous atteignez la fin de la piste de marche, observez la station debout. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Vous observez ensuite le mouvement de rotation. Vous faites ce mouvement très lentement. Arrivé à ce stade, vous aimez vous déplacer très lentement parce que vous avez constaté qu'en allant très lentement, vous pouvez observer attentivement tous les changements qui se produisent à chaque instant. Vous appréciez beaucoup le fait de vous déplacer lentement. Il n'est pas possible de dire dans quelle mesure il faut ralentir les mouvements, mais le Bouddha a donné une comparaison. Le yogi doit se comporter comme une personne malade. Une personne malade se déplace lentement de peur de se faire mal. Le méditant vipassana doit donc se comporter comme une personne malade. Il doit se déplacer de façon lente et composée. Si l'attention n'est pas forte, le méditant aimera sans doute accélérer son allure. Pourquoi faut-il que je marche si lentement? Mais dès que son attention se sera développée, que la confiance sera apparue en lui, ce méditant comprendra pourquoi il est si important de se déplacer de façon lente et composée. Il comprendra qu'en se déplaçant de cette façon, il peut voir très clairement tout ce qui se passe en lui à chaque instant. Lorsque l'attention sera devenue forte et que le méditant observera attentivement le mouvement d'élévation du pied, il verra que ce mouvement est en réalité fait d'un très grand nombre de petits mouvements qui se succèdent rapidement. Lorsqu'il abaissera le pied et qu'il observera attentivement ce mouvement d'abaissement, il verra que ce mouvement est également fait d'un très grand nombre de petits mouvements qui se succèdent. Il est capable de voir tout cela parce que son attention est développée, qu'il a confiance et qu'il a la volonté. Le méditant verra qu'il y a donc beaucoup de petits mouvements qui se succèdent chaque fois qu'il lève le pied et qu'il l'abaisse. Lorsqu'il abaissera le pied et que son pied touchera le sol, ou au moment où il élève le pied, le méditant pourra également expérimenter beaucoup de choses. Il verra notamment l'intention. Parfois, le professeur demande au yogi de noter délibérément l'intention avant de lever le pied. Mais un yogi brillant peut voir l'intention même s'il ne s'y est pas entraîné au préalable. Le professeur va donc demander au méditant de s'entraîner à noter l'intention avant de lever le pied. Il doit noter deux ou trois fois « intention de lever », même s'il ne voit pas cette intention. C'est un entraînement. Il faudra qu'il développe la patience. Petit à petit, cette intention va lui apparaître spontanément. Mais lorsqu'il abaisse le pied, il y a là aussi une intention. Mais le méditant ne doit pas noter l'intention au moment où il abaisse le pied. Il suffit de la noter avant de lever le pied. Car lorsque son attention se sera renforcée, l'intention d'abaisser le pied va lui venir spontanément à l'esprit sans qu'il ait dû s'entraîner à la voir. Lorsque l'attention sera devenue suffisamment forte, vous verrez que le mouvement d'élévation du pied est en réalité fait d'un très grand nombre de petits mouvements. Vous verrez que ce mouvement se produit par étapes successives, par segments. Au moment où vous abaisserez le pied et que vous observez très attentivement, avec une forte attention, vous pourrez voir que ce mouvement d'abaissement se produit également par étapes successives. Ce sont des petits mouvements d'abaissement qui se succèdent les uns les autres. Vous verrez tout cela très clairement. Il est donc indispensable de générer l'attention, de réussir à la maintenir sur les mouvements sans discontinuer. Vous devez voir le mouvement d'élévation du pied du début à la fin, le mouvement d'abaissement du début à la fin. C'est cela Sampajana, la claire compréhension. La claire compréhension, c'est être capable de maintenir son attention sur le mouvement du début à la fin et de voir clairement à fond. Lorsqu'on pratique donc la marche attentive en faisant une note à chaque pas, pas gauche, pas droit, le yogi comprend qu'il n'y a en lui que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Il comprend qu'il y a chaque fois l'objet, la matière, c'est-à-dire le mouvement, le pas gauche et puis le pas droit, et qu'il y a l'esprit qui note, c'est-à-dire l'esprit. Il n'y a en lui que l'esprit et la matière, pas de personnalité, pas de je, pas de il, pas de elle. Il n'y a que l'esprit et la matière. Lorsque le méditant a donc développé une forte attention et qu'il pratique ainsi, il ne pense plus que c'est lui qui marche. Il ne se dit plus « je marche ». Il expérimente simplement un mouvement au niveau du pied gauche et l'esprit qui note. Un mouvement au niveau du pied droit et l'esprit qui note. Lorsqu'il en arrive à la deuxième méthode et qu'il fait donc deux notes à chaque pas, lever, abaisser, le yogi va également introduire l'intention dans son observation. Il verra alors que l'intention de lever le pied est la cause pour le mouvement d'élévation, que l'intention d'abaisser le pied est la cause pour le mouvement d'abaissement. Il voit tout cela spontanément, sans devoir le rechercher, tout simplement parce qu'il observe très attentivement. Ces choses se réalisent automatiquement. Le méditant expérimente alors les causes et les effets. C'est pour toutes ces raisons qu'il est dit que le seul devoir du yogi, c'est de développer l'attention, une attention ininterrompue. Nous devons donc développer progressivement notre attention. On commence par la première méthode qui consiste à faire une note à chaque pas, pas gauche, pas droit. Dès que nous aurons réussi à franchir la piste sans trop penser, nous pouvons passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas, lever, abaisser. Dès que nous serons devenus capables de pratiquer la deuxième méthode correctement, nous allons ajouter un autre objet, l'intention. Nous notons alors l'intention avant de lever le pied. De cette façon, nous avançons pas à pas. Il ne faut pas être stressé. Il ne faut pas vouloir se précipiter, sans quoi nous allons nous sentir fatigués. Nous devons développer notre pratique de façon naturelle, aisée. Nous allons ainsi progressivement développer notre attention. Si nous sommes stressés, que nous avons trop le désir de progresser, nous allons devenir agités. À cause de cette agitation, nous serons fatigués. Il se peut même que nous commencions à nous ennuyer. Nous ne sommes plus très intéressés par la pratique. Nous devons donc nous dire que nous sommes ici en retraite et que nous allons faire de notre mieux pour développer notre attention. Dès que nous aurons réussi à pratiquer correctement la deuxième méthode, qui consiste à noter les deux mouvements, lever, abaisser et éventuellement l'intention, notre énergie mentale sera devenue très forte. Nous aurons l'impression que le temps passe très vite. Nous avons franchi deux ou trois pistes et l'heure est déjà passée. C'est le moment alors d'ajouter un troisième objet et de noter lever, avancer, abaisser. Si nous procédons ainsi, par étapes, nous ne serons pas fatigués au moment où nous pratiquons la marche. Nous avons réussi à développer correctement la première méthode, la deuxième et enfin la troisième. Nous pourrons ainsi pratiquer facilement la marche pendant une heure, sans devoir nous reposer, sans aller nous asseoir quelque part. Nous aurons beaucoup d'énergie mentale, mais si nous ne réussissons pas à travailler ainsi progressivement, notre énergie mentale sera faible. Et il se peut même que la confiance n'apparaisse pas. That's enough for today. May you be well, happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly.